C'est maintenant la Cour des comptes qui pointe du doigt les rapports problématiques qu'il y a entre le gouvernement et les cabinets de conseil. Ou plutôt, elle l'a fait en 2021 dans un rapport confidentiel qui vient juste de fuiter. Pour elle, les missions des cabinets de conseil pendant la pandémie de Covid-19 se sont faites dans des conditions problématiques. Ce sont ses propres termes. Pourtant, en 2021, lorsque les recours aux cabinets de conseil ont été découverts, l'État ne parlait que d'une seule voix, ou plutôt que d'un seul élément de langage, peut-être lui-même rédigé par un cabinet de conseil. Les consultants n'ont pas interféré dans les choix de nature politique et judiciaire, et les missions ont respecté scrupuleusement les contrats et les procédures en vigueur. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Edith. Editorial travaille dans un grand journal. Alors, je sais ce qu'on dit des journalistes, il y en a de deux sortes. Ceux qui disent ce qu'ils pensent et ceux qui ont du travail. Mais il s'avère qu'Edith non seulement dit ce qu'elle pense, mais qu'en plus, elle a du travail. Ce qui est plutôt une exception dans le métier. Bref, Edith a récemment découvert quelque chose. Editorial, elle a découvert un rapport confidentiel de la Cour des comptes. Un rapport qui étrille le gouvernement et qui date de 2021. Dans ce rapport qu'Edith a sous les yeux, la Cour des comptes dit que le gouvernement a systématiquement évoqué l'urgence de la situation pour passer des contrats avec des cabinets de conseil sans passer par les procédures normales de mise en concurrence. Et il n'y a pas que ça. Mais ça, déjà, c'est énorme. Elle évoque notamment 12,9 millions d'euros passés avec différents cabinets de conseil au début de la pandémie. Alors, Edith, en lisant ça, elle se rappelle de deux choses. D'abord, elle se rappelle que déjà, quand Théo faisait des remarques sur l'arrivée des cabinets de conseil au gouvernement, on le traitait de complotiste, théorie de complot, très vite. Il avait dit que ce n'était pas normal d'avoir ce genre de choses. Mais, à l'époque, le gouvernement niait en bloc. Tout était propre, tout a été fait selon les règles. Qu'aujourd'hui, la Cour des comptes dément. Et puis, elle se rappelle aussi que le parquet national financier a déjà ouvert deux enquêtes sur les rapports entre les cabinets de conseil et le gouvernement pendant la période du Covid. Deux enquêtes qui ont fait suite à l'enquête parlementaire qui a été faite par le Sénat. Bref, aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui rejoint le parquet national financier et le Sénat dans leurs enquêtes sur les rapports opaques qu'il y a entre le gouvernement et les cabinets de conseil. Ou plutôt là qu'il y avait, puisque le travail de la Cour des comptes porte tout sur toute la période du Covid. Dans les premières pages, Edith voit tout de suite qu'on parle du vaccin. Souvenez-vous, Macron avait dit à l'époque qu'il voulait emmerder les Français qui n'étaient pas vaccinés. Eh bien, s'il court aussi vite qu'il nous emmerde, il va finir par battre des records. Bref, Edith lit ça et voit qu'il s'est passé des choses très étonnantes pendant la vaccination. Le ministère de la Santé aurait passé un accord avec McKinsey. McKinsey devait mettre en place la stratégie de vaccination, puis le suivi des personnes vaccinées. Pour McKinsey, c'était un petit contrat à 3 millions d'euros. Seulement voilà, pour faire vite, le ministère de la Santé n'a pas fait d'appel d'offres. Non, il est passé par un autre appel d'offres qui avait été déjà fait et déjà remporté par McKinsey. Un appel d'offres sur la transformation publique. Bref, un appel d'offres qui n'avait strictement rien à voir avec la vaccination. Ça, normalement, c'est pas du tout autorisé, dit la Cour des comptes. Et oui, même un comptable voit bien que la stratégie de vaccination, c'est une politique publique. Ça n'a rien à voir avec la modernisation de l'État. Bref, dans ce que lit Edith, ce n'était pas du tout la bonne façon de faire. Si jamais le gouvernement avait eu besoin de faire appel à McKinsey pour organiser la vaccination, ce qu'il avait nié dans un premier temps, quand c'était Théo qui avait fait cette remarque, si le gouvernement avait eu besoin de McKinsey pour faire ce schéma de vaccination, alors il aurait fallu passer par une offre publique et mettre les différents cabinets en concurrence et pas offrir les 3 millions à McKinsey. Alors le gouvernement, lui, il se défend, le ministère de la Santé dit qu'en fait il y avait une urgence dans la vaccination et que donc il n'avait pas le temps de faire un nouvel appel d'offres. Visiblement, la Cour des comptes n'est pas du tout certaine de ça. Dans la suite du rapport, Edith voit que la Cour des comptes parle aussi d'un autre cabinet, le cabinet Sitwell. A priori, lui, c'était merveilleux, il a eu 8 contrats sans aucune mise en concurrence pour organiser la distribution des masques. 8 contrats pour organiser la distribution des masques, qui a été plutôt brillamment réussi, il faut le dire. Et là, la Cour des comptes dit que si parfois on a besoin de cabinets privés, la distribution des masques, elle relève réellement du travail des fonctionnaires. C'était au ministère de la Santé de le faire et non pas un cabinet privé. De même, la Cour est très étonnée du travail fait par le cabinet Roland Berger, qui a rédigé de nombreuses notes d'arbitrage et a fait des présentations adressées au cabinet du ministre, alors que tout cela relevait de la Direction Générale des Services, c'est-à-dire de fonctionnaires. Et là, Edith ne peut que être d'accord avec ce qu'écrit la Cour du compte. Après tout, on ne manque pas de fonctionnaires en France. On est, je crois, le pays d'Europe qui a le plus de fonctionnaires par habitant. Donc, comment se fait-il qu'un ministère ait besoin de faire appel au privé pour des tâches qui relèvent normalement du travail des fonctionnaires qu'il a déjà de façon pléthorique? Surtout que ces cabinets, ils sont toujours mis là sans aucun appel à la concurrence. On peut donc soupçonner, ça c'est naturellement le travail du parquet national financier de le vérifier, mais on peut soupçonner que l'on rétribue ainsi des amis ou des connaissances sans avoir à s'alourdir les pattes avec des mise en concurrence. Bref, pour finir son rapport, la Cour des comptes dit que les ministères, notamment le ministère de la Santé, doivent faire appel à des cabinets privés uniquement s'ils n'ont pas en interne les ressources en termes de fonctionnaires pour faire le travail et si en plus ils font à chaque fois un appel d'offres avec une mise en concurrence des différents cabinets. Edith en arrive là du rapport et commence à rédiger son article. Bon, elle n'est pas extrêmement enthousiaste parce qu'elle pense que cet article, même s'il va intéresser certains Français, eh bien, il va passer plutôt inaperçu. Et surtout, que le gouvernement pourra dire qu'à l'époque, il y avait urgence et qu'il n'avait pas le temps de faire ces différents appels d'offres. Mais finalement, l'urgence, est-ce qu'on ne l'a pas encore aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, combien y a-t-il de cabinets qui travaillent pour le gouvernement, à plus ou moins haute échelle, dans le cadre de la guerre en Ukraine? Ou alors, actuellement, même cet hiver, dans le cadre des coupures d'électricité et des risques énergétiques que l'on a avec le gouvernement? On a que des urgences depuis maintenant très longtemps. Est-ce qu'ils ont continué à faire appel à des cabinets privés sans faire d'appel d'offres? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas soupçonner qu'ici ou là, il y a parfois la rémunération de certains amis ou de certaines connaissances ou de certains services qui sont faits à côté de manière discrète ou gratuite? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le dicton du jour, la confiance en soi, c'est comme l'amour. Difficile à trouver, facile à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.